bonjour, un grand merci à tous les auditeurs qui sont à l'écoute de Radio Nanart. C'est l'heure du rendez-vous onirique avec Jean-Yves Kemener. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Wad. Bienvenue sur les studios de la radio Nanart pour ce premier rendez-vous onirique. Alors j'ai apporté quelque chose de ma bibliothèque et de chez moi. Donc j'habite ici pas loin à Keringar et en fait j'ai apporté une pierre d'une collection. En fait, j'ai voulu rendre hommage à mon père, voilà. Et donc, et j'ai apporté une autre pierre. C'est une céramique de Shapiro. C'est un grand artiste cheyenne que j'ai rencontré à Saint-Sulpice. Et il a cuit cette œuvre 8 jours avec sa femme japonaise. C'est une petite céramique, voilà. Voilà ce que j'ai apporté, Aude. Donc après, alors je peux parler de la pierre ici que j'ai toute noire avec le lichen vert. C'est en plein dans le mille, dans l'œil, il y a du lichen vert. En fait, cette œuvre, mon père, je trouvais cette pierre noire chez moi et mon père était à côté de moi, il me dit... tu vois, Kef, si je donne un coup là et un coup là, donc à la base du nez et à la bouche, ça fait un homme borgne. En fait, c'était une pierre avec une cavité, et donc mon père l'a traduit par un homme borgne. En fait, moi je l'ai appelé une œuvre de Francis Bacon. En fait, mon père qui était maçon, en fait, je relis à l'art contemporain. Et en fait, j'ai décidé, j'avais donc voulu rendre hommage à mon père dans la maison de retraite de Saint-Mélard, ici, à Lanmeur. Et du coup, mon choix n'était pas évident, parce qu'il y avait des grandes pierres. Il y a une qui ressemble à un aigle, très grande, que j'ai appelée le Marquis de Sade. Et puis celle-ci était toute petite. Et il fallait décider. Et en fait, j'ai voulu inclure cette pierre, donc que j'appelle Francis Bacon, dans l'expo. Et je sais que Aude avait fait une photo, et je la tiens dans ma main, et on voit une veine verte. Et là, aujourd'hui, quand je suis au Diben, ici, au Vivier de la Méloine, auprès de tous ces travailleurs qui sont là, eh bien, je vois du lichen qui a avec les tempêtes, avec le temps, qui ont donné une autre note. Et donc, il y a presque des moustaches vertes sous le nez, et donc, dans l'œil, un lichen vert en plein dans le mille. Donc, ça, c'est quelque chose qui me touche, parce que rassembler 23 têtes de mon père, par les amis, etc., posé dans un jardin, dans une maison de retraite, où vraiment il y a une ouverture d'esprit de toute l'équipe dirigeante qui ouvre à l'art, que ce soit aux chanteurs comme, ou aux peintres. Paul Blois est venu avec un guitariste faire une performance que ma mère a vue, d'ailleurs, avec des guitares électriques, là. Et donc, cette ouverture d'esprit permettait de faire des expos de temps en temps. Et en fait, le fait que mon père était placé... Enfin, j'ai trouvé un lieu pour mes parents dans ce lieu en résidence, parce qu'ils étaient trop perdus dans leur maison de Brest. Et j'ai proposé à mon père... d'offrir une sculpture à la maison de retraite, en fait. Et donc, ça a mis un petit temps, parce que là, j'avais emmené une photo à la directrice, et puis, un jour, elle m'a rappelé en disant « Mais ce que fait votre père est très beau. » Et donc, je lui dis, ben, je vous donne cette sculpture, on vous donne cette sculpture qu'elle a placée après, avec, grâce au Cyril, le jardinier du centre, sur une ferraille pour bien le maintenir sur une pierre de taille. Donc, elle a été inaugurée officiellement au cours de cette sculpture et est tout le temps en place à Lambeur. Et elle a été inaugurée le jour des 88 ans de ma mère. Donc voilà, c'était un moment important. Et je relis aussi avec une autre personne qui était en fait dans le... qui était artiste, qui était un marin pêcheur, Marc Morvan, qui a fait des œuvres à Brest. Il a eu une commande par rapport à l'esclavage, et donc elle a été inaugurée à Brest. Et donc, du coup, Marc Morvan, en fait, y a une connexion avec mon père, parce qu'il était marin-pêcheur, et a fait une sculpture avec les restes des hôpitaux. Il a fait une sculpture en ferraille, un homme debout, qui fait un V de la victoire, donc très... Et donc, en fait, il y a un rapport entre un ancien maçon et un marin pêcheur. Et il se trouve que, quand à un moment, Marc Morvan a ramené la sculpture dans son atelier de Quimper pour la redresser, pour la remettre en forme. C'était un peu le don de 1% pour Saint-Mélard. Et en fait, le jour où mon père va s'en aller de cette terre, en fait, il est en train de mourir, et je vois le camion qui arrive, en fait, et donc Marc Morvan redispose l'homme debout, et mon père meurt à ce moment-là. Donc, vous voyez, il y a une conjonction de choses très étonnantes entre ce monsieur qui crée aussi, et donc maintenant il se parle, l'homme debout parle à la tête de mon père qui est là dans ce jardin. Donc voilà, c'était une sorte d'hommage, comme a fait la famille Belmondo à leur père. Moi, j'ai fait à ma façon un hommage à mes parents. Voilà. Donc du coup, voilà pour cette pierre un peu que j'appelle, en fait, cette petite pierre étonnante, et que je regarde toujours, voilà. Et pour l'autre partie, alors, c'est plutôt le monde de la céramique, en fait. Ici, donc, Chapiro, je suis à Saint-Sulpice, et je porte une œuvre très importante, qui est très lourde, de Chapiro. Voilà, je ne le connais pas, je découvre la céramique sur le temps, grâce à un ami, Michel Legentil, et du coup, je découvre tous ces céramistes à Saint-Sulpice. Et là, les camions débarquent, et puis ils portent les œuvres, alors tout le monde se donne un coup de main, parce qu'il y a une vraie fraternité des céramistes, et on porte, on aide à porter. Et là, je porte une œuvre balèze de Chapiro, il expose avec des Japonais, et en fait, je le vois, et puis je lui dis, mais cette petite pierre, voilà, c'est étonnant, j'ai envie de l'avoir dans ma collection. Et alors, il me dit, ben, je l'ai cuit 8 jours au feu de bois avec ma femme japonaise. Donc là, j'ai une petite pierre, toute petite, que je regarde dans tous les sens, avec toutes les couleurs, tout le monde de la céramique. Et donc, je suis très, très heureux d'avoir Chapiro, que j'ai vu danser, d'ailleurs, à la Borgne. C'était à Saint-Sulpice, en fait. Il y avait une petite fête, et le soir, il dansait. Je l'ai vu danser aussi... à cette fête de... Donc, le monde de la céramique me touche beaucoup aussi. C'est en fait, après la peinture que je collectionne régulièrement, j'ai découvert plein de céramistes, et donc j'ai plaisir donc à contempler toutes les œuvres que je vais voir dans leur atelier ou alors que je choisis au fil du temps, en fait, voilà, j'aime bien collectionner, voilà. Alors je me souviens justement de la rencontre avec Shapiro et je lui dis, alors c'est dommage, je ne parle pas l'américain ni l'anglais tellement. Et du coup je lui dis, ben, ça me fait penser à Pierre de Caillois, Roger Caillois. Et en fait, il note sur son... Il me dit, note-moi, avec sa femme japonaise, il note les références du livre... voilà, et du coup, ça me fait partir dans un autre monde, le monde où j'étais éducateur. En fait, je montrais aux résidents Déjeuner d'Or, quand je travaillais, le livre de Caillois, Pierre, et on revenait d'une balade du Kragou. Et donc, j'imaginais Caillois qui a collectionné, qui a... Il y a un livre magnifique à l'âge d'homme, j'ai toutes les photos de ses pierres, sa collection. Et donc j'avais le plaisir de dire, de feuilleter avec les résidents Déjeuner d'Or, donc, que j'aidais dans leur vie, à feuilleter ce livre. Et ils étaient tout de suite passionnés de voir les images, les pierres. Et donc, c'était un bonheur pour moi de transmettre un peu la passion de la poésie et de l'art, en fait. Voilà, parce que je me rappelle avoir lu « Terre des hommes » pendant la guerre du Golfe, et je lisais Saint-Exupéry, et je faisais des recoupements avec ce qui se passait dans le monde. Donc, c'était un peu apporter de l'imaginaire dans ce monde de l'handicap. Et j'ai rencontré Nicolas Bouvier à Étonnant Voyageur et je lui disais, ben voilà, je voyais un groupe de personnes qui voulaient apprendre les poèmes de Eugène Guilvic. Et du coup, je lui ai dit à Nicolas Bouvier, ils prennent des bribes, des parcelles, ils sont un peu démunis de culture. Et Nicolas Bouvier me répond, c'est ça la culture, monsieur. Alors vous m'encouragez, je lui dis. Donc, belle rencontre avec Nicolas Bouvier au cœur de Étonnant Voyageur à Saint-Malo, où vraiment on rêve sans arrêt, avec le nombre d'écrivains que j'ai pu rencontrer là-bas, de Jorge Amado et à Laurent Gaspard et tous les écrivains chaque année qui me font rêver. Donc, voilà, je avec Yvon Lemaine évidemment qui apportait toujours une rose à Eugène Guilvic, ces poèmes que j'aime beaucoup, voilà, de Eugène Guilvic ou d'autres poètes, voilà. En fait, j'ai lu beaucoup de poésie, beaucoup de poésie dans mon parcours de vie. Et puis, voilà, j'ai vraiment eu des longues lectures de poèmes. Après, des rencontres, et puis avec les peintres et les céramistes. Voilà, donc je suis au Diben, et j'aime beaucoup marcher sur cette côte, en fait. J'ai un parcours en fait où je vais droit vers la mer par Kermébel et je pars dans ma tête, je navigue dans ma tête avec la nature, la permanence des lumières, les petits oiseaux qui vont se cacher dans les fougères, tout ça c'est un bonheur. Et du coup je fais toujours le même circuit. Et ça, c'est 3 heures de marche. vous imaginez, enfin, je vois, j'ai commandé un livre de Jean-Louis Etienne l'autre jour parce qu'il parle de la marche et combien d'écrivains aimaient marcher. Et ce parcours, en fait, m'enchante et me porte pour ma santé, puis pour la rêverie, beaucoup de bonheur. Je passe de la mer tout le long de ce chemin de douanier pendant 2 heures, et puis j'arrive à la rivière de Tromelin. Et grâce à Thierry Desmar, un adjoint qui avait dégagé une petite fontaine, il me dit « Tiens, tu peux continuer par là et puis remonter. » Et du coup, je passe le long de la rivière, je vais le long des bois, par les champs, et j'arrive à Kéringa et j'ai fait ma boucle. En fait, la rêverie totale pendant quelques instants. Le bonheur d'habiter à Plouganou, quelques temps, on a vraiment... une chance extraordinaire. Alors ça grimpe, ça. Je me rappelle Michel Biette me disant « Je grimpe là, je monte à l'anneau Esten et donc monter ces escaliers, c'est très bon pour la santé de toujours rêver et puis d'être un peu danseur. » Voilà. Je me rappelle aussi sur la plage de Samson de rendre hommage à Caroline Carlson à ma façon. En fait, je faisais des petits signes comme ça sur la plage, comme si je dansais pour lui rendre hommage. Je l'ai fait aussi pour Francis Ponge sur la plage de Carantec, au Cosmeur, en fait. Comme c'était un écrivain que j'avais lu, Niorc de l'avant-printemps, et puis ses écrits sur le savon, etc. Tout ce monde-là, en fait, je voulais... cet attachement avec des écrivains m'intéressait. Comme pour Xavier Gral, d'ailleurs, Xavier Gral, où je l'ai rendu hommage 5 ans après sa mort, où je suis parti de l'année à nous, passant par le Relec et arrivant chez Françoise Gral, et du coup, lui racontant comment j'avais pris des bouquets de landes et de landes, de houx, et je suis arrivé au cimetière de Landivisio pour remettre cette gerbe de fleurs, de buissons à Xavier Gral. Yvon Le Maine était avec moi d'ailleurs, on a partagé un repas avec Françoise sur une musique de Mozart. Et il y avait donc cette crèche faite par les filles de Xavier Gral, c'était extraordinaire cette rencontre, et c'est vrai qu'avec Yvon Le Maine, c'était lui qui a dit solo devant 1000 personnes à Rennes. Bon, voilà, un grand ami, Yvon Le Maine aussi, qui disait « J'ai peur du soleil pour demain ». Eh bien, je l'ai mis dans un des bulletins de notre association, parce que, voilà, j'avais un attachement à ce grand poète qui finalement, continue son chemin et fait... venir plein d'écrivains à Étonnant Voyageur et donne la parole au monde entier en poésie. Et donc, voilà, ces chemins de rêverie m'ont tout le temps enchanté. Maintenant, que dire sur cette terre ? Bien, on est là, au Diben. Alors, je pense aussi... C'est vrai qu'à tous ces gens du bourg ici, comment vivre en fait le travail, Corentin parlait du travail, c'est important, donc comment on gagne sa vie ici, tous ces pêcheurs en fait qui sont là à côté, en fait, bon, voilà, on va leur acheter le poisson, sur la production en direct, tout ça c'est très intéressant. Il faut aussi parler de la vie pour gagner sa croûte, en fait, voilà. Quand, comme moi, on a été éducateur, ça va, on a une convention collective, on a une énergie, on tient la route parce qu'il y a les équipes, mais on a un bon salaire qui tourne et qui tombe. Tandis que dans l'économie, c'est très rude, en fait, et donc, que ce soit les paysans, les pêcheurs, ça se casse la gueule à des moments. Donc, chapeau à tous ces gens qui restent au pays, qui continuent à vivre à leur façon, et aussi en leur monde, parce que finalement, tous ces gens ont un imaginaire, en fait. Et comme dit Jacques Rancière, qui a donné la parole aux menuisiers, et donc l'accès au beau, évidemment, évidemment, est là aussi, dans toutes ces petites maisonnées du Diben, ou d'ailleurs de Kermoustère. Et donc là, il y a un enchantement aussi. Tous ces gens ont des choses à dire, et il ne faut pas mépriser les gens, en fait. Voilà, il faut accorder aux anonymes. Il n'y a pas que les stars, en fait. Donc, voilà, ces gens vivent et tiennent la route.